Chapitre 9. Le complot. Dans tout ce qui précède, on a point vu de traître. Patience, un instant, les nôtres vont paraître, dans cette chambre obscure et propre au noir dessein. Tous les trois ont quitté leurs airs de petits saints. Ils trament un complot. Margiste en sera l'âme. Alix en est la fleur. Tibère en est la lame. Ah, pauvre blanche fleur, si tu pouvais les voir, sinistre, parlant bas dans l'ombre, trio noir, sans scrupule ourdissant leur toile d'araignée, dont ta berthe est déjà la mouche désignée. Comme tu maudirais d'un cœur épouvanté ta crédulité borgne et ta naïveté.